Vive la famille, Charline. Oui, Laetitia Gaillet. Parce qu'il y a Momon et Fiston qui sont dans le salon. Exactement. La sociologue et l'ourson sont avec nous. Merci Laetitia Gaillet pour ces infos. Et voici comment nous avons préparé cette émission. Salut les amis. Salut Charline. Alors on ne va pas y échapper. Ah, l'augmentation. Non, ça t'inquiète pas. Non. On va pas échapper au débat sur la mode islamique. Ah, je suis contre. Ah bah ça fait débat déjà, c'est bien. C'est hyper important, faut être contre. Mais pas du tout, faut être pour. Non, mais non, stop. Bah, attends, c'est peut-être un peu tendu comme sujet, j'ai l'impression. Moi, je peux vous dire un truc les amis. Ouais, vas-y. Mais moi, j'ai pas d'avis sur ce sujet. Ah non, j'ai entendu des choses intéressantes des deux côtés. Ah non, mais mon petit bonhomme, faut te positionner, c'est important comme débat ça. Mais Alex, tu dois être pour. Mais enfin pas du tout, il doit être contre. Non, mais attends. Il fait ce qu'il veut. C'est quand même dingue, ça, les Français, que cette obligation tout le temps de position. Oh là là, raciste. Vous êtes fous, quoi. On n'a même pas encore parlé du fond du débat. Voilà, mais on s'est déjà bien engueulé. Ouais, mais on n'a pas avancé. Bah non, j'ai toujours pas d'avis. Non, mais c'est vrai, on est en train de débattre de la façon dont on doit débattre. Eh ben, ça, c'est rigolo en sociologie, quand on parle de la façon dont on parle, ça s'appelle métacommunication. Ah ben voilà, en plus, ça tombe bien, on a une sociologue avec nous. C'est parfait, donc faisons un sujet au départ de la mode islamique, mais pour se demander si la violence du débat est constructive. Voilà. Ou si le cadre du débat ne divise pas encore plus que le débat lui-même. Rien compris. En tout cas, tout le monde est d'accord pour ce sujet. Mais attends, si tout le monde est d'accord, du coup, il n'y a pas de débat sur le fait de prendre comme sujet le débat plutôt que le sujet du débat. Oui, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas de débat. Voilà. Il n'y a pas de débat. Ça tombe bien, j'ai pas l'avis. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui optimise l'actualité. Et voici les trois informations qui feront l'objet d'un montage écran offshore jusqu'à 18h. La jeunesse est debout, même la nuit. Un forum citoyen squatte la place de la République à Paris. Il s'installe aussi dans d'autres villes. Le mouvement s'appelle Nuit Debout. Bon, le problème, c'est quand on fait plusieurs Nuits Debout de suite. Tu t'imagines des choses qui n'existent pas. Pour te remettre, tu as besoin de sommeil. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je refuse de dormir ! Après, on refuse de dormir. Le débat sur la mode islamique montre à quel point la nuance et l'écoute ne sont pas des caractéristiques propres aux Français. C'est le faux. Le but étant surtout de se faire entendre. Attention, je vais crier très fort. Messieurs, est-ce que vous pourriez continuer ce débat dans le calme et dans la dignité? Je n'ai pas tout dit. Les candidats à la primaire à droite jouent la carte de la vie privée et de la famille. Juppé et sa femme, NKM qui divorce ou le père absent de Bruno Le Maire. Écoutez, moi je goûte peu la presse PO. C'est vraiment nouveau. Et pour partager ce programme réjouissant, je suis accompagnée de celui qui nous fera rire jusqu'à la dernière. Bref, c'est Alex Vizorek. Et il y en a deux. Je vous annonce un petit teasing sur les brèves. En revanche, je vous présente la belle équipe autour de la table. 17h20, lui, c'est le sportif de l'équipe. C'est vous dire les autres. On sent bien qu'on n'est pas au Club Med Gym ici. Bonjour Samir Bouali. Bonjour Alex, bonjour Charline. Écoutez, moi je vais vous parler de Raymond Boudon, de sociologie cognitive. Non, je déconne. Je vais parler du Front National et du foot. C'est bien deux univers qui se marient très très bien. Ah, 17h30, lui, c'est la caution déontologie journaliste. De l'équipe, c'est vous dire les autres. On sent bien qu'on n'est pas dans une ESJ. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi je vais vous parler aujourd'hui, je vais faire de la publicité en fait pour un produit qui s'appelle un vendu. CEF. Eh ouais, un correcteur d'état fonctionnel. C'est un produit qui se décline en plusieurs séries, notamment laquelle ? La série verte qui elle véhicule les informations des oligocosmotelluriques. Voilà, donc on va parler cosmotelluriques en fait. Bah, Louki n'est pas là, mais vous le remplacez bien. 17h40, alors lui, c'est le savoir encyclopédique de l'équipe, c'est vous dire les autres. On sent bien qu'on n'est pas chez Diderot et d'Alembert. Bonjour Marius Colucci. Oui, bonjour Alex. Eh ben, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu de l'homosexualité dans l'Antiquité. Oh là là, et alors attention, 17h55, exceptionnellement, il n'y aura pas de sketch aujourd'hui. Il y aura un live avec Patrick Fiori et Hervé Villard. C'est mon chanteur préféré qui viendra dans ce studio. Didier Super viendra nous chanter absolument ce qu'il veut. Et aujourd'hui, deux référents de la République président cette émission. Ils sont nés sous Vincent Auriol et sous Giscard. L'une est nommée docteur en sociologie en 83, quand l'autre a 3 ans. Et quand est votée la loi sur l'égalité des sexes dans le travail. Vous devenez directrice d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, en 97, quand votre fils a 17 ans, et que disparaît le Club Dorothée. Vous rejoignez l'antenne marseillaise de l'EHESS alors que votre fils entre aux arts décoratifs en 2001, c'est l'année du lancement de Wikipédia. Et alors, vous êtes, l'une s'appelle Irène Théry, et l'autre Mathias Théry. Mais c'est la sociologue et l'ourson. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Irène et Mathias Théry, donc On vous appelle désormais la sociologue et l'ourson, puisque c'est le titre du film qu'on va voir à partir de demain au cinéma, en salle. Et puis déjà ce soir, tiens, pour les Parisiens, au Gaumont Opéra, il y a l'avant-première à 20h qui est ouverte. La sociologue et l'ourson, film documentaire réalisé en grande partie avec des marionnettes, mais pas que. Les marionnettes qui sont des animaux. Et vous suivez votre maman, sociologue, pendant tout le débat sur le mariage pour tous. Irène Théry, sociologue, on peut dire de référence à la matière, vous allez à l'Élysée, vous avez l'oreille du président de la République notamment. Alors un concept tout à fait particulier, ce film réalisé avec votre complice Étienne Chailloux, Mathias Théry, expliquez-nous le concept du film. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord une grande partie du film a été réalisée avec des enregistrements téléphoniques, des conversations que j'ai avec ma mère pendant les débats. C'est-à-dire qu'avec Étienne Chailloux, on a branché un petit enregistreur sur mon téléphone, on l'a pas dit à maman et on a enregistré tout ce qu'on s'est raconté. Tout est spontané. Et d'ailleurs, si elle est là, c'est que ça va. Elle vous en a pas oui. voulu. Finalement, tout va bien. J'ai rien su jusqu'au jour où le film a été fini. À ce moment-là, ils m'ont convoqué un jour. Et j'ai vu le film et j'ai dit. C'est vraiment normal qu'on dit j'annule tout. C'est vraiment normal qu'on me voit les cheveux mouillés, avec un pull taché, en train de m'engueuler avec mon mari sur la GPA éthique. C'est vrai, vous filmez sur le vif et vous enregistrez vos conversations avec votre maman. C'est-à-dire, vous l'appelez, vous lui posez des questions. Mais maman, pourquoi est-ce qu'il se passe ça? Maman, pourquoi est-ce qu'il se passe ça? Mais votre maman est sociologue, donc elle vous raconte avec une perspective historique et aussi l'actualité du débat. Ouais. Et donc tout ça est mis aussi en marionnette. Oui, à partir de la bande son. C'est ça, c'est qu'on voulait avoir pas le discours de la sociologue officielle qui parle en conférence, dans les médias, etc. On voulait savoir qu'est-ce que raconte le savant à son fils ou à ses proches, donc sur un autre ton. Et à partir de ces matériaux phoniques, on a pensé une mise en scène à partir de jouets, de peluches, où on peut ainsi s'emparer des histoires que nous raconte Irène, parce qu'Irène raconte finalement beaucoup d'histoires pour expliquer les choses, et on les a mis en scène avec tous ces jouets et ces peluches. Et alors, pardon, il y a pas que les enregistrements téléphoniques, il y a aussi, on a récupéré des émissions de radio, oui. Le son parfois de certaines émissions de télévision, et là aussi, on a mis en scène un peu la France qui débat. Oui, voilà. Par exemple, le journaliste, c'est toujours un oiseau, donc il est censé oui. prendre un peu de hauteur sur les choses. N'est-ce pas? J'aimerais bien avoir votre avis d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez des journalistes en oiseau? Oui, je trouvais qu'il y avait, oui, il y a une jolie métaphore parce qu'il y a l'oiseau, donc il est censé survoler les choses. Et qui vous chie sur la tête. Et il n'y avait pas de perroquet, donc vous avez été gentil. Il y a le cormoran aussi. Alors, ce film, Irène Théry, permet aussi de rééquilibrer un peu les choses parce que La Manif pour tous et Frigide Barjot ont beaucoup phagocyté l'espace médiatique et la véritable opposante à Frigide Barjot, finalement, c'était vous avec d'autres et on a moins souvenir de ça. Donc ça rééquilibre ce film. J'aurais bien aimé que ce soit pas moi, d'une certaine façon. J'ai été happée par, on pourrait dire, le silence de la gauche politique. Depuis décembre 2012 jusqu'au grand discours de Christiane Taubira, il n'y a pas de politique qui prenne la parole vraiment pour défendre ce projet. Et donc, j'ai été de ceux qui ont essayé qu'il y ait une voix qui se fasse entendre. Ça a été très long. Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas encore d'avis fixé ou est-ce que parce qu'eux-mêmes ne savaient pas s'en fabriquer un? Mais je suis pas. Il faudrait leur poser la question. Je pense, moi, au fond, qu'ils étaient divisés. Il ne faut pas oublier que Sylvia Nagasinski est allée quand même jusqu'au début du débat dans les médias pour contrer ce projet. Donc, Hollande s'était engagé, ils allaient le faire, ils n'étaient pas enthousiastes. Je pense que ensuite, les députés qui se sont engagés, comme Erwan Binet, comme d'autres, sont devenus vraiment convaincus de cette cause. Ils l'ont vraiment défendue. Mais dans les premiers mois où on a vu se développer la manif pour tous, non, il y avait hélas un grand silence du côté de la défense de cette loi pourtant capitale. Il y a des moments dans le film où tu es assez désespéré, par exemple. Oui, je suis assez désespéré. Bien sûr, oui, c'est vrai qu'il y avait une sorte d'injustice de cette année-là. On a une année dont on sait que ça va être l'année où l'homosexualité est intégrée, on va dire, au cœur de notre pacte social, au cœur de nos institutions fondamentales, le mariage, la filiation, la salle des mariages de nos mairies. Et cette année a été pour beaucoup d'homosexuels la pire de leur vie. Dans le film, on voit une scène où des homosexuels qui ont mon âge, plus de 60 ans, disent « On a 27 ans de vie commune, on vit à la Croix-Rousse, on ne croyait pas vivre l'homophobie qu'on a vécue. » 40% d'augmentation d'actes homophobes ont été notés par SOS Homophobie l'année du mariage pour tous. Donc un paradoxe incroyable, une injustice, on pourrait dire, pour un pays qui est quand même capable de changer. Je crois que la Manif pour tous n'était pas le peuple de France, contrairement à ce qu'ils ont réussi à prétendre pendant longtemps. Voilà, et tout ça est donc dans La Sociologue et l'Ourson. Donc ce dialogue aussi entre vous, Mathias Théry, et votre maman Irène. Et d'ailleurs, quand vous, Mathias, vous dites à votre maman, « Maman, comment on fait les bébés ?» Alors là, on part jusqu'au Moyen-Âge. Il y a des perspectives historiques, il y a beaucoup d'humour. C'est un film que je vous conseille vraiment pour vous replonger et surtout comprendre de façon historique et sociologique. C'est magnifiquement fait. La Sociologue et l'Ourson, c'est en salle demain. Étienne Chailloux, Mathias Théry. Charles Bradley, You Put the Flame on It sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Irène et Mathias Théry pour la sortie du film La Sociologue et l'Ourson. Il sera en salle demain. Et autour de la table, par ordre d'apparition, Samir Bouadi, Guillaume Meurice, Marius Colucci. Et je vous rappelle que tout à l'heure, il y a un live de Didier Super. Effectivement. Et tels les petits oiseaux dans votre film, La Sociologue et l'Ourson, bien nous allons faire un duo de journalistes. Allez, c'est parti. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et voici les titres. C'est bon, Jacques Millard est candidat à la primaire à droite. Ah ouais, il n'y a pas de vanne. Bah excusez-moi, c'est le 11e candidat, moi j'ai toutes faites les vannes sur la primaire. Très bien, alors titre suivant. Oui, des proches de Marine Le Pen inquiétés dans l'affaire des Panama Papers, ce qui laisse à penser que quand elle disait vouloir sortir de l'euro, on avait mal compris. Oui, en fait elle voulait sortir des euros. Sortir des euros. Et bien sûr, il y aura des brefs. Ah oui, c'est comme les candidats à la primaire à droite, voilà. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est un peu ça. Et on commence donc par ce moment historique de la 5ème République, ce matin sur LCI, qui venait d'ailleurs de passer en clair. Bim, direct le premier scoop. Vous avez quelque chose à nous dire? Eh bien écoutez, c'est clair puisque vous êtes en clair, je vais être très clair. Bah, oh là là. Effectivement, j'annonce ma candidature au débat des primaires. Alors vous allez me dire, un de plus. Eh bien on va te le dire Jacques Millard, un de plus. Ouais. Oh mais là suite là. À cette annonce, Jean-Frédéric Poisson a fait des bonds de c'est joie bon. Car il n'est plus le moins connu des candidats. Vraiment, ouais. Donc le 11e hein, Millard, alors on imagine que Nicolas Sarkozy pense attendre pour être le 13e, ce qui pourrait porter bonheur. Millard le dit lui-même, hein, ça fait beaucoup de monde, mais moi je veux poser la question de la souveraineté de la France. Mais si chaque fois qu'il y en a un qui a une question à poser, au lieu de la poser, il se présente à la primaire, on va pas s'en sortir. Alors pour annuler tout, on a demandé l'avis d'un sage de la droite. Oui, Édouard Balladur, si vous aviez un conseil à donner aux candidats républicains. Je vous demande de vous arrêter. Évidemment. Je vous demande de vous arrêter. Oui, oui, bah, deux fois. Passons aux Panama Papers. Oui, ce matin, Yves Tréhard était remonté hein, contre cette liste et il s'est lancé dans une petite comparaison. Non mais attendez, faut arrêter. Demain, on va faire quoi le listing des gens qui ont le sida? Il était chaud. Yves Tréhard qui est l'éditorialiste du Figaro ouais, hein, donc sans doute vexé que le Figaro n'ait pas été choisi parmi les 100 journaux qui ont enquêté. Oui, c'est bête. Ouais. Le seul qui était content d'entendre cette comparaison, c'est Thomas Thévenoud qui clame depuis des années le fait que de ne pas payer des impôts, c'est une maladie. Et donc la comparaison est et les révélations continuent dans cette affaire, des proches de Marine Le Pen sont mis en cause. Vous voyez que ces gens n'ont rien contre les étrangers, hein, ils leur confient même leur argent. Autre info à ce sujet, un tiers des sociétés offshore de la Société Générale sont créées depuis Genève. Depuis Genève, exactement, la Société Générale a créé plus de 1000 sociétés offshore. En fait, Jérôme Kerviel, c'était pas un électron libre, c'était juste l'employé du mois. Média à présent, le petit journal, expulsé du Maroc après un reportage sur l'homophobie. Exactement, Martin Veil a été empêché de faire son travail et censuré au Maroc. C'est bien la peine de prendre l'avion plusieurs heures pour aller travailler dans le même environnement qu'au siège de Canal+. Sport à présent, Paris-Roubaix, changement d'horaire pour le TGV pour qu'il ne passe pas en même temps que les coureurs. Oui, enfin c'est surtout pour que les coureurs ne passent pas en même temps que le TGV. Et c'est l'heure des brèves. Oui, les brèves, allez, je vous laisse la première, elle est pas. Oui, Grande-Bretagne, deux points. Des chirurgiens retirent 18 brosses à dents de l'estomac d'un patient. Oui, ben voilà ce qui arrive quand on mélange deux conseils santé, hein, brossez-vous les dents deux fois par jour et mangez 5 fruits et légumes. Attention. Et la dernière, c'est pour vous, Alex. Oui, Alsace, il appelle 5700 fois son ex en un mois et prend de la prison ferme. En même temps, sa plus grosse peine, ce sera la facture du téléphone. Allez, on profite de la présence d'Irène et Mathias Théry pour parler un petit peu de du monde qui change, n'est-ce pas? Premier sujet avec vous. La jeunesse défile à nouveau aujourd'hui contre la loi travail et elle a créé un mouvement appelé la nuit debout. Après, au bout de 3-4 nuits blanches, il est d'autant plus nécessaire de se serrer les coudes. Bon, essaie de dormir un peu là. Ah non, j'ai peur qu'il neige. S'il neige, je te réveillerai. Tu promets? Bah oui. Homer, tu restes là, hein? Ouais. S'ils reviennent, j'ai des comprimés contre les renards dans mon sac. Ouais, tiens, les prends. Hein. Ouais, t'inquiète pas, ils me connaissent, les renards. Garde-les pour la prochaine fois. Un extrait de Marche à l'ombre. Alors voilà, justement, on a deux générations avec nous. On a la sociologue et l'ourson. Alors, comment d'abord la sociologue observe ce mouvement naissant, tel un forum de jeunes qui veulent faire converger les luttes, le droit au logement, contre la précarisation du travail, aussi contre le gouvernement et cette gauche dans laquelle ils se sentent trahis. Non, mais pour le moment, j'observe comme tout le monde, hein, pas plus ni plus près que tout le monde, avec sympathie, je dois le dire. La façon dont ces jeunes se rassemblent, essayent de sortir de ce qu'ils ressentent comme une torpeur et surtout expriment le sentiment d'une génération d'être un peu les floués de l'affaire. C'est vrai que quand on a le lundi les Panama Papers, on n'est pas étonné le mardi d'avoir tous ces jeunes la nuit, pardon. Oui, la nuit. Le jour aussi, ils sont dans la rue aujourd'hui. Voilà. Mathias Théry, on dit toujours que la génération qui suit aura la vie plus difficile que celle des parents, etc. Est-ce que vous voyez ce mouvement d'un bon œil et surtout, est-ce que vous le comprenez, vous en tant que génération En tout cas, moi j'enquête de plus près que ma mère, donc j'y étais hier soir. J'y étais hier soir avec une fanfare d'ailleurs, on a été joué un peu sur la place de la République. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces gens ont une fâcheuse tendance à beaucoup danser. Ouais, ce qui est plutôt positif, ça, non? Ouais, beaucoup. Ouais. C'est un mouvement protestataire, c'est pas un mouvement politique. Non, mais ce qu'on sent bien sûr, c'est que notre génération ressent le besoin, ne se reconnaît pas dans les politiques actuelles et a envie qu'on rapproche le travail citoyen, les citoyens des prises de décision. Et c'est vraiment ce qu'on se dit sur la place. Moi, j'ai pas eu l'impression enfin, j'ai vu des gens très divers et j'ai pas forcément vu que des gens avec des pancartes très engagées. J'ai vu des gens qui avaient envie d'être pris en compte, quoi. C'est un peu le sentiment. Et de se parler et de ouais, et de faire les choses eux-mêmes aussi, quoi. Vous y alliez pour un travail quelconque? Il y a quelque chose qui vous a inspiré? Pour la promotion du film, clairement. Film, ouais, de quoi, ça, non, pas du tout. J'étais avec la fanfare Les Vilains Chicots. On a été faire un peu de musique. Parce que c'est là que ça se passe à Paris. C'est en vrai ce qu'il moment. Faut rappeler qu'ils sont demandeurs d'artistes, ouais. d'artistes qui aillent jouer. Si Frédéric Fromet veut y aller, on le sur Michel Sardou. Erène Terry, vous qui êtes sociologue de la famille, est-ce que pour que ce mouvement qui est à la fois protestataire, qui a aussi envie de parler et de prendre place dans le forum, quoi, au milieu de la République et de la cité, est-ce que c'est quand plusieurs générations réagissent et quand ça va au-delà des jeunes et que ça fait derrière les parents, que ça peut prendre un peu d'ampleur? Non, mon expérience, c'est qu'il y a un moment où il faut justement faire tout ce que les parents ne voulaient pas qu'on fasse. Enfin, apparemment, c'est ce que j'ai lu sur le web que Mathias raconte sur le film, d'ailleurs. C'est le film que les parents ne voulaient pas qu'on fasse. Donc, que ces jeunes fassent ce que leurs parents ne veulent pas qu'ils fassent. Et c'est le moment où ils prennent un peu leur vie en main. Enfin, seulement donc, si les parents sont de droite. Seulement si les parents sont de droite, d'accord, on rappelle. Mathias, vous avez fait le film contre la vie de vos parents, par exemple? Oui, mais en fait, tout de même, c'est aussi, le film raconte la passation de valeurs. Et donc, je pense qu'il faut qu'on s'empare des valeurs de nos parents, qu'on ne les oublie pas, qu'on s'empare des valeurs qu'on aime en France, mais qu'on les fasse nôtres. Et donc, le film, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu comment est-ce que ma mère raconte tout plein de choses sur l'histoire de France et l'évolution de la famille, etc. Et on met en scène comment est-ce que nous, on s'en empare et comment est-ce que nous, on le fait nôtre et on le raconte. Voilà, c'est dans la sociologie L'Ourson où il y a une perspective historique. On apprend même que l'insémination artificielle date du 18e siècle. Si je me trompe. Donc, mais voyez, oui. On apprend plein de choses. Et avant, on faisait d'autres choses. Ouh là là. On raconte dans le film. Ne racontez pas tout, notamment au Moyen-Âge, il s'en passait pas de belles. Pas de spoiler sur ce qui se passait au Moyen-Âge. Ah, mais il y a du sexe un peu quand même. Ah, ouais, ça mais faut vous dire. Alors, en gros plan, monsieur. Samir Bouadi. Bah oui, en parlant de Moyen-Âge, on va parler un peu du Front National. vous savez, sans doute, le Front National, depuis très très longtemps, c'est une stratégie de dédiabolisation à tous les niveaux. Hein. Et c'est vrai que la parole libérée de certains philosophes, de certains éditorialistes, donne des idées à certains édiles qui disent tout haut ce que beaucoup pensent tout bas ou pas. Hein. D'ailleurs, partout où le FN a son mot à dire, il le dit, et ben c'est tout à fait dans son droit, hein, d'ailleurs, hein, l'exercice du pouvoir en toute liberté, c'est beau. Tiens, dernière avancée démocratique en date, nous la devons au maire de la ville de Mantes-la-Ville, dont je tairai le nom, qui vient de prendre la décision courageuse de couper les subventions du club de foot local. Paf, plus de foot, hein. Ce petit club qui évolue en 4e division va donc s'asseoir sur l'apport financier de cette commune des Yvelines. J'y vois, comment dire, une sorte de bon sens économique, finalement. Hein, de ce monsieur qui, ce faisant, démontre qu'au sein du FN, il y a maintenant des gens capables de gérer les finances publiques. Il répond magistralement à toutes les critiques, à tous les détracteurs, hein, qui parlent de projets économiques baveux, bidons, de la part du parti de Marine Le Pen. Oui, le FN, c'est géré. Oui, trois fois oui, et oui, on en a ras-le-bol de voir notre pognon utilisé, dilapidé, devrais-je dire, par des animateurs d'associations de quartier qui, sous prétexte d'œuvrer à la cohésion sociale, en faisant se rencontrer des gamins de toutes conditions et de toutes origines sur les terrains de foot, finalement, n'en branle pas une. C'est vrai, quoi. C'est vrai. J'entends déjà les donneurs de leçons s'insurger contre une disposition qui viserait à stigmatiser une population de gamins issus essentiellement de la diversité. Hein, quant aux encadrants, eux aussi font preuve d'une mauvaise foi en parlant d'une mesure inique dictée par une idéologie du rejet. Mais quel manque d'imagination. Vraiment, ça fait mal. De toute façon, quand on évolue en 4e division, on se la pète pas. Hein, on la ferme, le foot, c'est pas ça, mes amis. Le foot, c'est des grands matchs, des grands joueurs, du pognon, des Ferrari, des bagnoles, des Porsche, des gros seins, tout ça. C'est pas des animateurs qui se grattent les coronets au bord du terrain en gueulant sur des types, même pas foutus de parler français, Ribéry à côté de ses morveux, c'est d'Ormesson, quoi. Non, et puis sans déconner. Mantes-la-Ville mérite mieux qu'un 16e de finale en Coupe de France. Hein. Zut à la fin. Bref, cette décision donne du relief au parcours politique d'un homme de bon sens qui va jusqu'à augmenter dans la foulée la subvention attribuée à l'association Chat Gabon, qui se veut protectrice des animaux. Eh oui, mes amis, Nabil Djellali, à mauvaise foi, toujours le dirigeant du club de foot, Mantois le prend très mal. Mais quel mauvais perdant, franchement. Et il prétend enseigner, transmettre les valeurs du sport. Mais les animaux, eux aussi, ont le droit à des subventions, sans déconner. Mince à la fin, avec tout ce qu'on leur fait subir. Un dédommagement est bienvenu, le maire a dû voir les images de l'abattoir, sa fille s'est dit, tiens, non, je vais leur faire un petit chèque, ça va leur faire du bien. Hein, encore une décision de bon sens prise par un homme qui ne tourne pas le dos à ses responsabilités. Il ne suit pas le mouvement, ce n'est n'est pas un mouton halal de Panurge. Comme disait le grand poète autrichien Heinrich von Reich, que je viens d'inventer, je le sais quand même, on peut avoir une passion pour les bergers allemands sans pour autant détester les chats. Et oui, bref, on aura compris, tant que les élus du FN ou apparentés prendront ce genre de mesures, Guillaume Meurice aura de quoi nous faire rire. Et rien que pour ça, merci à eux. Merci Samir Bouadi. Allez, on est en compagnie de Irène et Mathias Théry, la sociologue et l'ourson. Restez avec nous et à la fin, vous aurez un live de Didier Super. Oui. What's next? I see colors all around. I try to take them one by one. I try to put them on my mind so I won't forget how they are. Time for me to see how much beauty this can be. If only I wasn't so scared of how people can be. It's time for me to try to keep all of my dreams awake. Away from the fear, from the hate we've made. Heads up for the light. Differences that make the richest not for soul. It's time to walk around and try to find a sound. Way up near the cloud and way down in the ground. Heads up for the light. Heads up, c'est Jane sur France Inter, programmation musicale, Djoubaka, il est 17h35 sur France Inter. Autour de cette table, Alex Vizorek. Et bien Samir Bouadi qui a fait son boulot, Marius Colucci qui prépare le sien. Et à cette heure-ci, évidemment, c'est l'heure de notre sociologue à nous, ouais, hein, oui, quelque part. Hein, qui rencontre les gens, le monde. Sans diplôme. Mais ça y est, elle va arriver. La publicité commerciale va débarquer sur Radio France. Il va y avoir du changement. La chronique matinale de Dominique Seux sera certainement sponsorisée par une marque de cirage de godasse spécial patronat. La gatazille, hein, plus jastique et plus ça brille. La chronique de Samir Bouadi va être sponsorisée par Gitane Maïs. Hein, pour une voix comme ça. Hein. Oh Bouadi, Bouadi, tu nous fais rêver avec ta voix. Mais tu vas crever quand même d'un cancer du poumon. Quant à moi, j'ai tenu à prendre part à ce changement de stratégie, les amis. Et je vais vous proposer aujourd'hui une publicité pour un produit révolutionnaire. Il s'appelle le correcteur d'état fonctionnel. Vous connaissez ou pas ? Non, du tout. Le CEF, alors c'est un vrai produit. Attention, il est en vente sur Internet. Et c'est un produit qui a l'avantage de régler à peu près tous les problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Alors, c'est quand même toujours sympa, ce genre de produit. Et il se décline en plusieurs séries de petites plaques métalliques qui contiennent des informations qui, selon la vendeuse que j'ai contactée, proviennent d'où ? Des hauts lieux cosmotelluriques, par exemple, les hauts lieux d'énergie, je pense à des dolmens, ce sont les lieux de pèlerinage, etc. D'accord. Le but, en fait, c'est d'enregistrer sur cette plaque les informations provenant de notre environnement, de sorte à les transmettre ensuite à notre organisme. Ce sont des petits supports d'enregistrement qui véhiculent autour d'eux, constamment, en permanence, les informations enregistrées. Mais alors, comment ça enregistre, alors ? Ça, c'est effectivement gardé secret. Hein. Évidemment, sinon je vous vois venir, petit malin. Vous allez le refaire chez vous. Hein, vous allez prendre des petites plaques métalliques, puis vous allez aller au dolmen du coin, et puis voilà, enregistrer tout ça. Non, ça ne suffit pas. Le processus est assez complexe, car le CEF est un produit qui est capable de faire quoi ? Qui dynamise l'eau et modifie la structure de l'eau jusqu'à dans les atomes, et qui corrige les anomalies présentes dans notre corps. Attendez, ça modifie la structure de l'eau ? Exactement. C'est-à-dire que ce n'est plus les mêmes atomes ? Exactement. Donc c'est plus deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Comment dirais-je, c'est une structure effectivement de l'eau qui va être modifiée et qui va apporter une nouvelle information. C'est surtout sur le plan informationnel. Voilà, c'est plutôt voilà sur le plan informationnel. Hein, donc on connaissait un célèbre magicien de Nazareth qui transformait des molécules d'eau en éthanol et que le lobby du pinard a crucifié d'ailleurs, hein, rappelez-vous. Et bien là, c'est comme si vous aviez ce magicien dans la poche, hein, sous forme d'une petite plaque. Et ça ne change pas seulement les atomes de molécules d'eau, ça change aussi la structure du carburant. Vous saviez pas ça, hein ? Eh bien oui, alors pouvez-vous nous en dire plus, madame la vendeuse de CEF ? En ce qui concerne le carburant, de la même façon, le CEF, quel qu'il soit, va modifier la structure du carburant et donc l'indice de combustion. Et j'ai constaté une économie entre 10 et 15% sur chaque plein. Ah oui, à ce point-là, quand même ? Oui, ce n'est vraiment pas négligeable. Mais alors, vous allez vous fâcher avec l'industrie du pétrole, là ? Oui, bon, 10-15%, en revanche, c'est le porte-monnaie qui sera content, mais aussi l'environnement, puisqu'on pollue moins. Et oui, le CEF, c'est aussi le moyen de réconcilier l'ours blanc et la kangou diesel en consommant moins. Prends bien ça dans les dents Total Fina, prends bien ça dans la gueule ExxonMobil. Et prends bien ça dans la gueule aussi le fantôme qui vient t'embêter la nuit. Hein, on a tous ça chez nous, un fantôme, une vieille grand-mère qui s'accroche à sa vitesse ou un bébé qu'on a congelé qui revient nous hanter comme ça la nuit, eh bien, il y a une série de correcteurs d'état fonctionnel spécialisés dans l'éloignement des entités. Alors, comme dirait Jean-Pierre Chevalet, comment ça marche ? Toujours dans la joie et dans la gratitude, on peut ouvrir ces canaux cosmo-énergétiques qui vont nous protéger tout simplement des manifestations psycho-énergétiques ou encore des entités astrales. Il faut être dans la joie et la gratitude. C'est très important, oui. Ah ben, c'est important, et ça je le précise, notamment pour le service après-vente. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent en disant « Ouais, qu'est-ce que c'est que cette dope ? Ça marche pas. Si j'ai buté ma belle-mère, c'est pas pour qu'elle vienne gratter à la porte toute la nuit. » Je dis non. Hein, je dis non, vous n'êtes pas dans la joie et dans la gratitude, hein, donc ça peut pas marcher. Soyez joie et gratitude, et ensemble, partons à la rencontre d'autres correcteurs d'état fonctionnel. On peut en avoir plusieurs, par exemple, une femme qui souhaite perdre du poids peut en avoir un qui va agir sur la graisse, l'excès de graisse qui va se transformer en glucides et protéines, ou bien elle peut avoir un CEF numéro 9 pour le système cardiovasculaire, ou bien elle peut avoir le CEF numéro 2 pour la désintoxication. Et combien ça coûte ? Ils sont tous à 230€ TTC. Pourquoi s'en priver ? Alors demandez un devis quand même, c'est sûr que plus vous avez de problèmes, plus c'est cher. Hein, François Hollande, s'il compte sur les CEF pour l'aider, bon, bah, il faut qu'il prévoie le même budget qu'il prévoit en vaseline quand il rend visite aux ouvriers. Mais nantis ou prolétaires, n'hésitez pas à aller sur le site hein, correcteuretatfonctionnel.com, hein, je fais de la publicité, je vous le rappelle. Alors il y en a juste un que j'ai pas trouvé, c'est le correcteur d'état fonctionnel qui permet d'échapper aux attrape-couillons. Donc j'en ai fabriqué un, hein, je vous le mets à disposition. En échange d'un chèque de 4 000€, je pense à votre pouvoir d'achat, à vous de maîtriser votre vouloir d'achat. Merci Guillaume Berichy. Une question, est-ce qu'en fin d'année, on pourrait organiser une grande fête avec tous les gens que vous avez interrogés pendant l'année ? Alors, moi je suis pour, mais je ne sais pas s'ils vont venir. Ah bah, ça peut être sympa. Écoutez, en tout cas, on vient de trouver les 0,26% de voix pour Jacques Cheminade. Oui, et là, ça, y a peut-être un électorat. Tout le monde n'avait pas ce scoop. Voilà. Merci Guillaume Berichy. Je suis là pour ça. Sur France Inter, en compagnie de Irène et Mathias Théry. Je rappelle que La Sociologue et l'Ourson, le film Étienne Chailloux et Mathias Théry est en salle à partir de demain. Et on va aborder le deuxième sujet avec vous deux. Le débat enflammé du moment porte sur la mode islamique et notamment ce burkini, c'est-à-dire un burkini burqa. Ça, c'est un fameux oxymore. C'est schizophrénique. Commercialisé par Marx & Spencer, il faut... J'ai bien dit Marx. Mmh. Oui, c'est ça. Il y a Marx dedans, en plus. Karl Marx et Spencer. Donc, il faut avoir un avis, parce que qui n'a pas d'avis n'est pas français, messieurs. Bien sûr. Mais bien sûr. Hein, qui n'a pas d'avis est belge ou québécois. On dirait que ça paraît bien d'avoir des opinions. Moi, je pense ci, moi, je pense ça. Moi, je trouve que ci, moi, je trouve que ça. On dirait que c'est mal vu de ne pas avoir d'opinion. On dirait que le manque d'opinion est associé à quelqu'un d'ignorant et d'inculte. Mais je suis pas d'accord. Moi, j'ai souvent pas d'opinion. J'ai bien plus souvent pas d'opinion sur quelque chose que les choses sur lesquelles que j'en ai une. Très souvent, quand quelqu'un me dit quelque chose, l'effet que ça me fait, c'est « Ah! » Et je pourrais rester là-dedans indéfiniment. C'est ça que je voudrais dire ce soir. Le droit de ne pas avoir d'opinion, le droit de rester dans le « Ah! » aussi longtemps qu'on veut, et de laisser la chance au temps de voir ce qui pourrait ressurgir de ce « Ah! » C'est ça que je revendique, c'est ça que je pense, c'est ça mon opinion. C'est l'humoriste québécois André Sauvé. Oui, allez le découvrir, tapez André Sauvé sur Google, il est formidable. C'est excellent. Alors donc c'est vraiment le débat tout à fait enflammé du moment. Faut-il s'inquiéter de la mode islamique ? Par exemple, le journal La Croix en parle aujourd'hui, en opposant les points de vue d'une chercheuse au CNRS et d'une sociologue à l'EHESS. L'une qui dit, voilà, en gros, c'est un scandale, il faut lutter contre. Et l'autre qui dit, mais attendez, on peut être plus dans la nuance, ne pas surréagir. On peut imaginer le port du voile cohabiter avec celui d'une mini-jupe et on aura fait un pas en avant. Je caricature un peu, mais c'est l'une des punchlines, comme on dit, dans l'article. Alors, on s'est dit, nous, dans l'équipe, c'est sans doute notre tropisme belge, où on est toujours un peu plus nuancé, on essaie de peser le pour et le contre. On non, dit, est-ce vous qu'en n'avez France, pas d'avis, c'est tout. Ben, voilà. On a un avis, bien sûr qu'on a un avis. Mais est-ce, voilà, qu'on, là, a, est-ce qu'on a aussi le droit de ne pas avoir d'avis en France dans les débats ? Est-ce qu'il peut exister une zone grise ? Est-ce qu'en sociologie, ça existe aussi, par exemple, Irène Théry ? Non, ça n'existe peut-être pas tout à fait assez. C'est vrai que les sociologues, on est tout de suite pris dans cette injonction de se situer dans une alternative obligée. Hein, vous préférez être bouilli ou rôti ? Vous répondez « je préfère ne pas être mangé » et on vous rétorque « vous sortez de la question ». C'est à peu près mon lot quotidien. Ah oui. Hein, et donc souvent, la question, ça consiste justement à essayer de proposer une autre alternative, peut-être moins insatisfaisante que celle qui était proposée là. Par exemple, moi, le débat sur la mode islamique ne me passionne pas, mais par contre, le fait que les Iraniennes du mouvement My Stealthy Freedom soutiennent donc ce petit instant de liberté que s'offrent les Iraniennes qui se photographient par milliers en train d'enlever leur voile, très courageusement, soutiennent les hôtesses d'Air France, oui, qui, elles, refusent d'être voilées de force à la descente de l'avion. Ça me paraît mériter un vrai débat et être connu chez nous, oui. Il n'y a pas que chez nous qu'on s'engueule. On s'engueule aussi en Iran et en étant menacé très fortement si on exerce la liberté d'enlever son voile. Et c'est vrai qu'ici, on a aussi une liberté de débat extraordinaire parce qu'on parle, on peut s'enflammer. Bien sûr. Mathias Théry, vous, quel est votre regard là-dessus ? Est-ce que vous avez toujours un avis tranché sur les choses ? Vous qui observez aussi la société à travers votre caméra. En tout cas, tourner ce film a été l'occasion d'observer le débat médiatique. Et, parce qu'on a scruté vraiment toute l'actualité médiatique pour ensuite pouvoir s'en emparer tout au long de l'année. Et on a beaucoup constaté que dans la plupart des débats, ils font des choses qu'ils appellent même des duels. C'est-à-dire qu'ils prennent vraiment un anti, très anti, un pour, très pour être sûr qu'ils s'engueulent bien. Et qu'est-ce que ça donne ? Juste de l'engueulade. Alors qu'on a constaté dans les rares débats... Ah bon, qui dit ça ? Alors qu'on constate que quand on arrive à prendre des gens qui ont un avis qui n'est pas le même et qui est assez proche, eh ben, on peut enfin parler du sujet. Parce qu'on peut parler du contenu du sujet. C'est ce qu'on a essayé de faire aussi dans le film. C'est ce que tu essayes de faire au quotidien. Vous avez dit tout à l'heure que pendant les débats de la Manif pour tous, 40% d'augmentation des actes homophobes. C'est peut-être un peu le cas des actes islamophobes ici. On en débat et ça crée des tensions qui n'auraient pas lieu d'être si le débat... Je pense qu'on est face à un sujet qui est assez complexe. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir le film que j'ai vu récemment de Bouchra Azouz, Nos mères, nos daronnes. Je crois que vous pouvez le voir aujourd'hui sur YouTube, où elle filme sa daronne, donc sa mère, dans une cité parisienne, dans la banlieue parisienne. Mmh. Et le film, je vous invite juste aller le voir, à dépasser les premières idées qu'on a. Qu'elles soient voilées, qu'elles ne soient pas voilées, elles ressemblent de toute façon pas à l'apparence qu'elles donnent. Ce film, c'est une traversée des apparences. Et ces femmes, elles revendiquent justement la liberté qu'elles ont conquise. Et surtout, on apprend que finalement, le débat, même par exemple sur le voile, le débat, c'est peut-être pas le voile, le débat, c'est quelles sont les valeurs. Quelles sont les valeurs qu'il y a derrière le voile. Et derrière chaque voile, il y a des voiles peut-être différents, etc. Et donc, parlons des valeurs. Parlons de qu'est-ce qu'on défend, quelles idées contre quelles idées, et pas le symptôme. Elles défendent l'école pour les filles, par exemple. Elles défendent le droit la liberté d'avortement. Non, elles sont incroyables, ces femmes. Et donc, il faut. C'est, voilà, et c'est, donc, on c'est peut rappeler ce film que vous conseillez, Mathias Théry. Ouais, Nos mères, nos daronnes, de Bouchra Azouz. Très bien. Eh bien voilà, voilà un avis nuancé. Mais tout à fait. Mais du coup, on s'est pas engueulé. Mais c'est super. Quand est-ce mais qu'on s'engueule c'est bon. On arrive à parler sans s'engueuler grâce à Irène et Mathias Théry. Marius Colucci, oui. Vous êtes penché sur un domaine qui les intéresse. Voilà, par rapport effectivement à ce film qui tourne autour de la manif pour tous. La sociologue et l'ourson. Du mariage pour tous. Du mariage pour tous, oui. Non, oui, moi, parce que ça on ouvert sent aussi comme une obsession. La manif de droite qu'on ne connaissait pas avant en France. Alors nous, ça nous a fascinés. Mais c'est pas vraiment de ça dont je veux parler aujourd'hui. Pour essayer de comprendre un petit peu le problème de l'homosexualité dans la société, je me suis intéressé à l'homosexualité dans l'Antiquité. Alors, dès le début de l'histoire, déjà en Mésopotamie, il y a moins 5000 ans, il y a 5000 ans, donc en moins 3000, on trouve dans l'épopée de Gilgamesh, qui est le plus vieux mythe écrit de l'humanité, le héros Gilgamesh et son adversaire Enkidu qui se battent et puis finalement ils deviennent super copains. D'ailleurs, ils sont inséparables et à la mort d'Enkidu, Gilgamesh est effondré et sa peine très émouvante prouve la force et l'ambiguïté de leur amitié virile. C'est déchiné quoi, c'est déchiné. C'est déchiné, voilà, mais c'était il y a 5000 ans au moins. Et d'ailleurs, ce type d'amitié virile, cher à Téchiné, entre un roi et un guerrier, était très répandu dans l'Antiquité. Par exemple, on a David et Jonathan. Alors, non Alex, pas le groupe des années 80, j'aime bien. Mais bien le roi David dans l'Ancien Testament et son ami Jonathan. À la mort de Jonathan au combat, David est effondré, je cite, « Je suis en détresse à cause de toi, mon frère Jonathan. Tu m'étais très cher, ton amour était pour moi plus merveilleux que l'amour des femmes. » Quand même, clairement marqué dans l'Ancien Testament, plus que les femmes. Alors de la même manière, en Égypte, le pharaon Pépi II va rejoindre la nuit son général favori. Et c'est vrai que pour un tyran, c'est important d'avoir de bonnes relations avec l'armée. Pépi II, qui a le même nom que le patron de la SNCF, donc c'est intéressant. Alors sur le même schéma, on a Alexandre le Grand. Donc là, on commence à connaître, à avoir des personnages qu'on connaît beaucoup. Oui, lui, on le croise dans le marais régulièrement, donc il n'y a pas de doute sur Alexandre le Grand. Eh bien, tu ne crois pas si bien dire, parce qu'il avait pour amant un général macédonien nommé Héphaïstion. Mais c'est pas tout, parce que lui, quand il a conquis l'Empire Perse, il a piqué l'esclave de l'empereur Darius III, le jeune Bagoas, et en a fait son esclave personnel. C'est d'ailleurs à ça que servaient les eunuques, on les castrait pour pas qu'ils puissent faire des enfants, ni d'un côté, ni de l'autre. Alors, chez les Grecs, on a aussi, bien sûr, la pédérastie entre un jeune homme et un adulte, mais ça, c'était purement initiatique, et on peut pas vraiment parler d'homosexualité comme on l'entend en Occident depuis le 19e siècle. Frédéric Mitterrand est grec, donc on peut dire. Oui, je vous en prie, continuez. Mais il y a plein de gens, figure-toi. Attila, par exemple, il a été élevé. Oui, Irène Théry, si dit des conneries, vous l'arrêtez. Non, moi j'attends juste une seule lesbienne. Il n'y en a toujours pas une dans cette chronique-là. En Égypte, il y avait beaucoup de. On allait voir les sorciers pour faire des filtres d'amour et c'était souvent des filtres entre femmes. Alors il y a eu Sappho sur l'île de Lesbos, évidemment. Et ensuite, il y a eu aussi beaucoup de légendes, comme les Amazones qui étaient censées être un peuple de femmes guerrières. A priori, c'est compliqué quand même de faire la guerre et d'être enceinte en même temps, donc c'est possible que ce soit une légende. Bon, c'est un point de vue. Alors, le truc qu'on connaît moins en Grèce, par contre, concernant les guerriers, les hommes guerriers et l'homosexualité, c'est le bataillon sacré. Alors, eux, c'est carrément un bataillon de 300 hommes qui se battent en binôme et qui dorment aussi par couple pour renforcer la complicité entre les soldats. Et c'est donc ces 300 hommes qui couchent ensemble, quoi, qui sont des couples. C'est Sparte, non ? C'est Thèbes, c'est à Thèbes que c'était. Et étonnamment, effectivement, comme dans le film 300, on les voit bien se battre en binôme, mais pour le coup, personne n'avait eu l'idée de les traiter de tapettes. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'arrive maintenant à Rome, qui avait des règles très précises sur la question, comme l'indique le philosophe Sénèque. Je cite, « Il est normal pour un jeune homme d'être passif dans la relation. » La passivité sexuelle chez un homme libre est un crime, chez un esclave c'est une obligation et chez l'affranchi c'est un service. Mais ça dépendait aussi du tempérament de l'empereur en place. Par exemple, Jules César, avant de devenir empereur, quand il était jeune, il avait été envoyé comme ambassadeur chez le roi de Bithynie, Nicomède IV. Or, le roi trouva Jules César très à son goût et donna l'ordre à ses gardes de conduire César dans sa propre chambre et de le coucher sur son lit d'or revêtu de pourpre. C'est pour ça qu'on appelait Jules César la petite reine de Bithynie et qu'on disait que de lui qu'il était le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris. Jules César, le vrai, hein, le premier empereur romain, le vainqueur des Gaules. Hein. Alors, Alex, non, pas de jeu de mots là-dessus, s'il te plaît. Mais c'est vrai qu'en Gaule, il n'était pas dépaysé, puisque les historiens de l'époque précisent que les guerriers gaulois aimaient bien s'allonger à trois sur une peau de bête pour se donner du plaisir. Ah non. Eh ben si, et c'est de là qu'on vient, figure-toi. Et je pense que c'est là bien la différence entre les Gaulois et les peuples civilisés de la même époque, c'est que chez les Celtes, il n'y avait pas de répression sexuelle. Voilà. Nous, on vient de la société celte, je propose qu'on n'ait pas de répression sexuelle. Ah. Bah, il faut peut-être prévenir... Madame Boutin qui qui demain va savoir si son... Vous savez qu'elle a été condamnée en... pour avoir dit que l'homosexualité était une abomination. Elle a été condamnée à 5000 euros, elle a fait appel et on attend demain justement le jugement sur de cet appel. Donc on verra si les juges ont bien écouté cette chronique. Ouais, très jolie histoire. C'est dans la boîte, c'est enregistré, je vais chercher les peluches. Exactement. Pour le prochain film de Mathias Théry. Alors, on a une surprise pour vous. Il est là. Il vient d'entrer dans ce studio, je vous l'avais dit. Mais qui donc ? Eh oui, bah c'est Didier Super. Bonjour Didier Super, comment allez-vous ? Ça va. Alors Mathias Théry vous connaît, mais Irène va vous découvrir, je pense. Oh, reste assise, maman. Ouais. Vu l'âge, c'est possible, ça a l'air un peu spécial. Vous allez nous chanter quoi, Didier Super ? Je ne sais même pas encore. Là. D'accord. Il y a une guitare à votre droite. Là, c'est dit comme ça, hop et tout. Oui, prenez votre temps, si vous voulez. Moi, je peux rappeler, par exemple, pour les Parisiens qui ont la chance de pouvoir aller au Gaumont Opéra ce soir, qu'il y a l'avant-première de La Sociologue et l'Ourson. C'est à 20h, c'est ouvert, allez-y. Vous allez avoir beaucoup de monde, là, si je dis ça. J'espère. C'est ouvert, tout le monde peut y aller, quoi. Tout le monde peut y aller, oui. Il est prêt, je le vois, il est prêt. Et le film sera en salle demain. Voilà, pendant que Didier Super s'installe. Tout se passe bien ? Ouais, j'en fais combien ? Faites-en une déjà. Hein ? D'accord. Ouais, allons-y. Pas plus, ça, parce que j'ai un petit peu faim. Au début, ça paraît bien. Puis après, on s'adapte. Ou pas. En Syrie, on bute les gosses en même temps qu'on viole leur mère. Mais j'en ai rien à foutre. Les Russes qui envahissent l'Ukraine alors que les Ukrainiens, ils sont déjà russes. J'en ai rien à foutre. Les cathos qui traquent leurs gosses, ils sont plus normaux que les gosses des homos. J'en ai rien à foutre. Avec le nucléaire, les Japonais, décidément, ils ont pas de peau. J'en ai rien à foutre. Par contre, Julia Le Perse qui arrête question pour un champion. Ça fait chier. Puis la nouvelle Miss France, elle est pas si belle que ça cette année. Ça aussi, ça fait chier. Ils ont construit l'Union Européenne juste pour faire un unique pays de chômeurs. J'en ai rien à foutre. Quand c'est les djihadistes qui foutent le bordel dans Paris, c'est les écologistes qui vont en taule. J'en ai rien à foutre. On a gagné les présidentielles de 2012, mais on sentait bien qu'on allait être déçus. Mais peut-être quand même pas à ce point-là. J'en ai rien à foutre. Les Chinois dominent le monde alors que tout le monde accuse les Juifs. J'en ai rien à foutre. Les dessins de Charlie Hebdo maintenant ils sont un tout petit peu moins marrants. Ça fait chier. Le stérilé c'est vachement bien mais tous les 5 ans faut le changer. Fait chier. Le printemps arabe chez les Arabes. J'en ai rien à foutre. Si ils trouvent que la charia c'est moins pire que les dictateurs. J'en ai rien à foutre. Là, l'ancien patron du FMI qui est devenu roi des partouzeurs. J'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, les partis politiques, c'est même plus des produits concurrents parce qu'ils sont tous sensiblement fabriqués par la même marque. J'en ai rien à foutre. On n'arrête pas d'envahir l'Irak, alors pourquoi c'est si cher le gaz, moi ? Ça fait chier. Comme à chaque fois, tout s'arrangera après la prochaine guerre mondiale. Et celle-là, ça risque d'être la bonne. Vous avez un nouveau chroniqueur. Je me suis pas cassé le cul, c'est une vieille. Non, mais elle est bien, mais il y en a des nouvelles au programme. Il y a un album, on peut vous voir en concert. Bah oui, moi j'ai tout si vous voulez. Je voulais que je vous raconte, Didier Super. Tu peux le faire parce que je voudrais partir. Ah bah bien sûr. Il nous fait le coup à chaque fois, c'est fou. Dans ta chambre. On croit qu'on est habitué, mais non. Votre prochain album, Didier Super, je vous informe, hein, c'est Vacances à vos frais. Avec un beau bras d'honneur, disponible le 15 avril. Et puis il y a votre spectacle, Ta vie sera plus moche que la mienne. Un spectacle pour enfants. Vous serez le 14 avril à La Cigale. Voilà, Irène Théry, vous ne connaissiez pas Didier Super. Non, là, je pense qu'il vous a conquis. Tout à fait. J'irai à La Cigale, j'irai. Voilà. C'est cher, hein, je te préviens. Merci Didier Merci Super. Beaucoup. Donc Vacances à vos frais, c'est l'album. Et à La Cigale le 14 avril. Merci Débranche. Beaucoup. Débranche. Ouais. Débranchez-le. Irène Théry, je voulais aussi vous demander, la sociologue Ilourson sort en salle demain, sur le débat, la manif pour tous, etc. Tout ça, ça continue parce que la PMA, et alors la GPA, n'en parlons même pas, c'est loin d'être acquis. C'est loin d'être acquis, ça a été même autour de la PMA et de la GPA qu'on a vu grossir la diabolisation du problème et la désignation des homosexuels, un peu comme les boucs émissaires de tous ces débats qu'on n'arrive pas à avoir, en fait, sur ce que c'est que la PMA en France. On a quand même, depuis plus d'un demi-siècle, on fait des enfants à trois, avec des donneurs de sperme, des donneuses d'ovocytes, etc. Et on le cache. Et on a un système qui est fait pour mentir, pour faire croire que le couple a procréé lui-même. Donc ce qui s'est passé quand même l'année du mariage pour tous, c'est incroyable. C'est-à-dire, le film le montre, on a désigné du doigt les homosexuels comme ceux qui veulent mentir aux enfants. Donc on vous disait, attention, il ne naîtra pas un Albert, d'un François et d'un Jérôme. Mais je crois que les couples homo sont les seuls qui ne sont jamais tenter de mentir à l'enfant sur son mode de conception. Et il y avait quelque chose d'un peu étrange là. Mmh, on comprend bien dans le film avec toute la perspective historique et aussi tout le sourire et l'humour qu'il y a dans ce film. La sociologue et l'ourson, de Étienne Chailloux et Mathias Théry, avec Irène Théry qui est un petit peu l'héroïne du film aussi. La maman ours. Exactement. Eh bien, je vous le recommande, La sociologue et l'ourson en salle demain. Merci à vous d'être venu. Merci. C'était très chouette et puis dédié super. Hein. Je vous rappelle son nouvel album Vacances à vos frais. Il est parti. Allez, c'est bon. Il est déjà parti. Le mot de la fin, à l'avis d'un Québécois sur tous les débats. On dirait que ça paraît bien d'avoir des opinions. Mais je suis pas d'accord. Moi, j'ai souvent pas d'opinion. J'ai bien plus souvent pas d'opinion sur quelque chose que des choses sur lesquelles que j'en ai une. C'est ça que je revendique. C'est ça que je pense. C'est ça mon opinion.